Ils écrivent et en plus ils causent. Présenté par K00. Bonjour, aujourd'hui l'émission Ils écrivent et en plus ils causent vous présente Rusby le Gaélique. Cette émission a été réalisée par téléphone via le logiciel Skype. Bonjour Rusby. Hello, I'm very happy to be here and to meet all the friends of Julie Brice. Non, je rigole, hein, je parle français, ne vous inquiétez pas Cathy. Donc vous êtes là avec nous pour nous parler de vous bien sûr et de votre nouveau roman Un amour d'opale. Pouvez-vous nous en dire plus? D'abord, je vais parler de moi, puisque c'est nécessaire de me présenter un petit peu. Voilà, Rusby le Gaélique, naturellement, c'est un pseudo. Mon vrai nom, c'est Gérard Moher, je suis belge, je suis né à Luxembourg, j'habite dans l'est de la France, et je suis amoureux d'une île en Vendée. Eh oui, ben, il faut s'accrocher, hein. c'est pas tous les jours très simple. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de succès dans l'ouest de la France, c'est pour ça que mon éditeur a tenu à ce que j'ai un pseudo à consonance bretonne ou celte. Le nom Rusby vient de ma chienne Tervuronne, qui s'appelle Rusby, mais elle avec IE. Oui. Je l'aime beaucoup. Et le Gaélique, je l'ai pris dans un casting à la télé. Donc je suis probablement un des rares auteurs à porter le nom de son chien. Vous pouvez nous décrire un peu l'histoire de votre roman? Ah bah oui, bien sûr, parce que nous sommes là avant tout pour en causer, comme vous l'avez si bien dit. Eh bien, le roman se scinde en deux parties, mais avant tout, c'est un roman d'aventure, hein. Ça n'a rien à voir avec un roman d'amour. La première partie s'intitule « Un ange ». C'est une histoire d'un garçon qui travaille dans un casino clandestin au Luxembourg. Sur un coup de folie, il pique la caisse qui était réservée pour les paiements spéciaux, soit quand même une somme assez phénoménale, parce que dans ces casinos-là, il faut disposer d'un cash et de beaucoup de cash, quoi. Et pour se réfugier, il part directement sur l'île de Noirmoutier où il pense être en sécurité chez des amis. Mais les amis sont absents et il est mal, il est très mal. Il fait la rencontre d'une jeune fille, un ange, qui va le protéger et le recueillir jusqu'à la fin de son histoire. La deuxième partie, ça n'a rien à voir avec la première, on se demande pourquoi. La deuxième partie, ça se passe en Polynésie, c'est la naissance de la princesse Opale. Enfin, la naissance, c'est la naissance dans le roman. Ce sont des jeunes intermittents du tourisme qui découvrent un trésor immergé au large des côtes de Raiatea, l'île qui a été malheureusement fort touchée par le cyclone dernièrement. Et il y a aussi des chasseurs de trésors qui sont à la recherche de ce trésor. De ce trésor qui est constitué principalement d'opale. Il va y avoir des affrontements terribles entre les intermittents qui veulent restituer le trésor à l'État et toucher leur part légalement, et les chasseurs de trésors qui vont utiliser tous les arguments possibles et inimaginables pour pouvoir mettre la main sur le trésor. Et ça va donner des péripéties terribles avec des intrigues et des masques qui finiront par tomber, le tout sur un fond de paysage paradisiaque et l'histoire réelle de la Polynésie. Voilà. Et maintenant, pour le lecteur, il faudra faire le lien entre les deux histoires. Comment peut-on se procurer votre livre? Eh bien, les médicaments, c'est dans les pharmacies, les pièces de voiture, c'est dans les garages. Alors, un livre, ça doit être dans une bibliothèque. Et si la bibliothèque ne l'a pas, il y a toujours moyen de le commander. Il est aussi, bien sûr, disponible dans toutes les bonnes librairies. Ou alors... Les lecteurs peuvent le trouver sur les librairies en ligne, sur la FNAC, Amazon, À la Page, Rue du Commerce, Chapitre, et encore en plus sur le site de l'éditeur, car l'éditeur a un site où il vend également le livre papier, mais il est également accessible pour télécharger. Donc c'est avec la mode de l'e-book maintenant, c'est quelque chose qu'il faut savoir, on peut télécharger le livre. Et alors dernière nouveauté, parce que j'avais quand même des gens un peu partout qui avaient des problèmes pour se le procurer, et ils peuvent m'écrire directement à moi ou me contacter, et je leur enverrai le livre dédicacé. Les livres, parce que j'ai aussi un recueil de nouvelles. Et pour me contacter, ben, il suffit d'aller sur Facebook, Rusby le Gaélique écrivain, ou alors sur moer@ifrance.com. Voilà. C'est simple, hein. Une multitude de choix. C'est parfait. Plus il y a de choix, mieux ça marche. Donc, vous avez déjà écrit plusieurs romans. Vous pouvez nous faire une petite biographie ? Eh bien, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire assez tard. Donc, avant de me lancer dans un domaine que je ne connaissais pas, je suis passé par les formules classiques. C'est-à-dire que, n'étant pas connu, n'ayant pas d'éditeur et tout ça, j'ai édité un livre à compte d'auteur. C'était un petit essai de 70 pages, 70 pages, et ça s'appelait l'estacade. Fatalement, c'était l'estacade de Noirmoutier. Bon. Mais une fois que j'ai bien appris comment ça fonctionnait dans le domaine de l'édition, j'ai réécrit l'estacade en l'agrandissant largement et en faisant un véritable roman, Un amour d'opale, qui a tout de suite été accepté à compte d'éditeur par Eddy Livres et qui l'a sorti avec succès puisque le roman apparemment a rencontré le cœur des lecteurs. Après Un amour d'opale, j'ai signé également un recueil de nouvelles qui s'intitule Vous avez de mes nouvelles, c'est original, hein, puisque c'est une question qui me concerne, oui, c'est original, et le recueil marche pas mal non plus. J'ai participé, mais ça ce n'est pas encore sorti ce que je vais vous dire maintenant, j'ai participé à la rédaction d'un conte éducatif pour enfants, qui s'appelle Renaud au pays des poissons, en collaboration avec un artiste de Saint-Nazaire. Moi je me suis occupé du texte pour les enfants à partir de 6 ans. C'est assez joli, ça me plaît beaucoup. Et en même temps, je travaille sur un roman policier qui sera la suite logique de Un amour d'opale et qui va s'appeler Cuvée rouge sang. Ah, oui, quand on dit que les écrivains ne font rien... Ils ne vous connaissent pas, ceux qui disent ça. Absolument, oui. Mais je souffre. Vous seriez d'accord de nous lire un petit passage d'Un amour d'opale pour nous faire découvrir un peu votre style ? Oui, bien sûr, on s'est réunis à 10 hier pour savoir quel passage j'allais lire, et on est tous dans l'expertitude, parce que on se dit, mais on ne sait pas choisir un passage. Alors je vais vous en prendre un comme ça. Attention, ça commence. Pendant le trajet de retour vers Uturoa, ils ne parlèrent plus de la tragique histoire d'amour de la princesse Opale. Un amour pur, écorché à vif et anéanti. Quelle tristesse. Mais Madame Inanno avait raison, c'était une autre époque. Kevin, comme d'habitude, était au volant à essayer de réfléchir à la manière dont ils allaient négocier avec les autorités pour restituer le trésor. « Je crois que j'ai une idée. Zora, je compte sur toi pour m'arrêter dès que tu ne seras pas d'accord avec mon projet. Je t'écoute. Tu nous as bien dit que le commissaire Isidore t'avait à la bonne. Il me mange dans la main. Dès que nous serons arrivés, tu vas l'inviter à prendre un verre au bar en fin d'après-midi et lui raconter toute l'histoire, en oubliant de lui raconter notre histoire, notre rencontre avec la guérisseuse et les conseils qu'elle nous a donnés. Nous ne serons pas loin quand nous lui demanderons de servir officiellement d'intermédiaire entre nous, les habitants et l'État français. Armand ne put s'empêcher de constater que c'était une bonne idée. Il faut connaître les bonnes personnes à contacter, il est le mieux placé. De toute façon, nous avons le Conseil des Sages derrière nous, mais je pense que nous devons rester discrets sur ce sujet. Il s'agit d'une société traditionnelle secrète propre à cette île. Sacré Vincent, toujours aussi prudent, mais tu as raison, nous serons couverts. Il sourit étrangement. Vous n'avez pas eu l'impression que nous étions comme accompagnés depuis notre découverte, comme si quelqu'un ou quelque chose nous manipulait ? Armand le fixa bizarrement. Ben, je n'osais pas vous en parler, mais à maintes reprises, je sentis comme une présence. Un jour, j'ai même cru voir une très belle femme en larmes qui semblait nous observer. Les autres réagirent pratiquement en même temps. Ah, toi aussi ? Manifestement, ils avaient tous ressenti quelque chose de bizarre depuis qu'ils avaient sorti ces bijoux de leur tombeau. Kevin décida d'en finir. D'une manière ou d'une autre, nous allons devenir riches et nous ne sommes pas prêts de quitter ce paradis. Et voilà un petit aperçu. Merci Rusby le Gaélique d'avoir participé à notre émission. Je rappelle le titre de votre roman, Un amour d'opale, chez Eddy Livres. Au revoir à tous et à demain. Musique, slow relaxation, Alban le Psy, licence art libre.